Premier livre des Rois, chapitre 18. Plusieurs jours après, il arriva que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en la troisième année, en disant, « Va, montre-toi à Achab, et je donnerai de la pluie sur la terre. » Élie donc s'en alla pour se montrer à Achab, or il y avait une grande famine dans la Samarie. Et Achab avait appelé Abia son maître d'autel, or Abia craignait fort l'Éternel, car quand Isobel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdia prit 100 prophètes, et les cacha, 50 dans une caverne, et 50 dans une autre, et les y nourrit de pain et d'eau. Et Achab avait dit à Abdia, va par le pays vers toutes les fontaines d'eau, et vers tous les torrents, peut-être que nous trouverons de l'herbe, et que nous sauverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous ne laisserons point dépeupler le pays de bêtes. Ils partagèrent donc entre eux le pays, afin d'aller partout. Achab allait séparément par un chemin, et Abdia allait séparément par un autre chemin. Et comme Abdia était en chemin, voilà, Élie le rencontra, et il reconnut Élie, et s'inclinant sur son visage, il lui dit, « N'es-tu pas mon seigneur Élie ?» Et Élie lui répondit, « C'est moi-même, va, et dis à ton seigneur, voici Élie. » Et Abdia dit, « Quel crime ai-je fait, que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab pour me faire mourir ?» L'Éternel ton Dieu est vivant, qu'il n'y a ni nation, ni royaume, où mon Seigneur n'est envoyé pour te chercher, et on a répondu, il n'y est point. Il a même fait jurer les royaumes et les nations pour découvrir, si l'on ne pourrait point te trouver. Et maintenant tu dis, va, et dis à ton Seigneur, voici Élie. Et il arrivera que quand je serai parti d'avec toi, l'Esprit de l'Éternel te transportera en quelque endroit que je ne saurai point. Et je viendrai vers Achab pour lui déclarer ce que tu m'as dit, et ne te trouvant point, il me tuera, or ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on point dit à mon Seigneur, ce que je fis quand Isobel tuait les prophètes de l'Éternel, comment j'en cachai 150 dans une caverne, et 50 dans une autre, et les y nourris de pain et d'eau? Et maintenant tu dis, va, et dis à ton Seigneur, voici Élie, car il me tuera. Mais Élie lui répondit, l'Éternel des armées, devant lequel je me tiens, est vivant, que certainement je me montrerai aujourd'hui à Achab. Abdia donc s'en alla pour rencontrer Achab, et il lui fit entendre le tout, puis Achab alla au-devant d'Élie. Et aussitôt qu'Achab eut vu Élie, il lui dit, n'es-tu pas celui qui trouble Israël? Et Élie lui répondit, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père qui avez troublé Israël, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que vous avez marché après les Baalins. Or maintenant envoie, et fais assembler vers moi tout Israël sur la montagne de Carmel, avec les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes des bocages, qui mangent à la table d'Isobel. Ainsi Achab envoya vers tous les enfants d'Israël, et il assembla ces prophètes-là, sur la montagne de Carmel. Puis Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Alors Élie dit au peuple, je suis demeuré seul prophète de l'Éternel, et les prophètes de Baal sont au nombre de 450. Or qu'on nous donne deux veaux, qu'ils en choisissent l'un pour eux, qu'ils le coupent en pièces, et qu'ils le mettent sur du bois, mais qu'ils n'y mettent point de feu, et je préparerai l'autre veau, je le mettrai sur du bois, et je n'y mettrai point de feu. Puis invoquez le nom de vos dieux, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, et que le Dieu qui aura exaucé par feu, soit reconnu pour Dieu. Et tout le peuple répondit et dit, c'est bien dit. Et Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez un veau, et préparez-le les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos dieux, mais n'y mettez point de feu. Ils prirent donc un veau qu'on leur donna, ils l'apprêtèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal exauce-nous. Mais il n'y avait ni voix ni réponse, et ils sautaient par-dessus l'autel qu'on avait fait. Et sur le midi Élie se moquait d'eux, et disait, criez à haute voix, car il est Dieu, mais il pense à quelque chose, ou il est après quelque affaire, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il s'éveillera. Il criait donc à haute voix, et il se faisait des incisions avec des couteaux, et des lancettes, selon leur coutume, en sorte que le sang coulait sur eux. Et quand le midi fut passé, et qu'ils eurent fait les prophètes jusqu'au temps qu'on offre l'oblation, sans qu'il y eût ni voix, ni réponse, ni apparence aucune qu'on eût égard à ce qu'il faisait, et il dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi ». Et tout le peuple s'approcha de lui, et il répara l'autel de l'Éternel, qui était démoli. Puis Élie prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole de l'Éternel avait été adressée, en disant, « Israël sera ton nom ». Et il rebâtit de ces pierres, l'autel au nom de l'Éternel, puis il fit un conduit de la capacité de 2 sahas de semences à l'entour de l'autel. Il rangea le bois, il coupa le veau en pièces, et il le mit sur le bois. Puis il dit, « Emplissez 4 cruches d'eau, et les versez sur l'holocauste, et sur le bois. » Puis il leur dit, « Faites-le encore pour la 2e fois, et ils le firent pour la 2e fois. » De nouveau il leur dit, « Faites-le encore pour la 3e fois, et ils le firent pour la 3e fois, de sorte que les eaux allaient alentour de l'autel, et il remplit même le conduit d'eau. » Et autant qu'on offre l'oblation, Élie le prophète s'approcha, et dit, « Ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, et d'Israël, fais qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses, selon ta parole. Exauce-moi, ô Éternel, exauce-moi, et fais que ce peuple connaisse que tu es l'Éternel Dieu, et que c'est toi qui auras fait retourner leur cœur en arrière. » Alors le feu de l'Éternel tomba, et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la poudre, et huma toute l'eau qui était au conduit. Et tout le peuple voyant cela, tomba sur son visage, et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et Élie leur dit, « Saisissez les prophètes de Baal, et qu'il n'en échappe pas un. » Ils les saisirent donc, et Élie les fit descendre au torrent de Kizon, et les fit égorger là. Puis Élie dit à Achab, « Monte, mange, et bois, car il y a un son bruyant de pluie. » Ainsi Achab monta pour manger et pour boire, et Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et il dit à son serviteur, « Monte maintenant, et regarde vers la mer. » Il monta donc, et regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie lui dit, « Retourne-y par 7 fois. » À la 7e fois, il dit, « Voilà une petite nuée comme la paume de la main d'un homme, laquelle monte de la mer. » Alors Élie lui dit, « Monte, et dis à Achab, attelle ton chariot, et descends, de peur que la pluie ne te surprenne. » Et il arriva que les cieux s'obscurcirent de tous côtés de nuées, accompagnés de vent, et il y eut une grande pluie, et Achab monta sur son chariot, et vint à Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'étant retroussé sur les reins, courut devant Achab, jusqu'à l'entrée de Jizréel.